Au loin brille la mer, tu te souviens d'hier et tu rêves. Tu peux faire le tour de la terre, élucider les mystères, décrocher les chimères, les soleils. Tu te perds dans les goûts amers et tu lèves sur l'horizon linéaire et tu nages, tu coules, perdu sous les lames sourdes, suspendu sous les vagues lourdes, sous l'écume irisée des jours, des mois qui se suivent et qui courent. Tu te perds dans des goûts amers et tu aimes. La vie est un long, long, long et lent sommeil. You're lost like a night walker dans ce long, long et lent sommeil. You look like a night walker. You lost like a night walker. À travers les miroirs verts, plongé dans les couleurs, tu es toujours ailleurs mais en l'air. Porté par les courants clairs, dans l'espace nébuleux des ciels, des ciels. Et tu te perds dans des goûts amers, et tu aimes. La vie est un long, long, long et lent sommeil. You're lost like nightwalker dans ce long, long et lent sommeil. You look like a nightwalker. You lost like a nightwalker. Faire le tour de la terre et tu rêves, tu peux faire le tour de la terre et tu rêves, et tu rêves.